Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 32e épisode de la mécanique des ondes sur fréquence protestante. Nous allons passer trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Alors aujourd'hui, je reçois pour la dernière émission de cette saison 2015-2016 la directrice de France Culture, Sandrine Trainer. Sandrine Trainer, bonjour. Bonjour. Vous êtes au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Non. C'est atroce, hein, recevoir quelqu'un qui commence sa première réponse par un non. Est-ce que c'est... non, non, si ce n'est que j'en écoutais des radios associatives, mais pas, j'ai jamais été du côté des studios avec un casque sur la tête, mais je fais partie de cette génération de gens qui dans les années 80 ont été adolescents avec les radios associatives. Mais je n'ai connu la radio en fait qu'assez tard professionnellement. Mes premiers pas dans un studio de radio, c'était il y a 7 ans maintenant, c'était à France Culture, et France Culture a d'autres qualités. Oui, alors on va en parler. C'est pas une radio associative. Non, c'est ça. Qu'est-ce que vous écoutiez comme radio associative du coup à l'époque ? Oh, j'écoutais des radios musicales, j'écoutais Boulevard du Rock, mais en fait, chez moi, on écoutait France Culture. Moi, de temps en temps, pour montrer à quel point j'étais révoltée, le soir, seule dans ma chambre, j'écoutais des radios périphériques. Mais c'était simplement pour dire que j'étais vraiment révoltée. C'était pas rébellion. Voilà, donc entre France Culture et Boulevard du Rock, franchement, ça n'allait pas chercher très loin. Alors, Sandrine Trainer, on peut le dire, vous êtes journaliste, effectivement, de formation. Comment vous en arrivez, justement, à vouloir être journaliste et à ces études de journalisme, peut-être ? Non, en fait, j'ai jamais voulu être journaliste. Moi, je voulais être historienne. J'ai fait des études d'histoire. J'étais tout à fait partie dans cette direction-là. Et puis, ça a dévié parce que ça fait partie du charme de l'existence que de prendre une direction puis à la première occasion de se dire qu'après tout, là, il y a une sortie de route qui est peut-être séduisante. Et donc, alors que j'étais en maîtrise d'histoire à l'époque, j'ai fait un premier stage dans la presse écrite, en l'occurrence au Monde, et puis ça a fait complètement déraper tout le reste. En fait, c'était un mois de septembre. Vous savez, à l'époque, la fac, ça reprenait en octobre, si ce n'est plus tard d'ailleurs. Donc, on faisait des stages. Voilà, puis j'ai fait un stage, et puis ça a fait déraper toute mon existence. Alors, dans quel service vous avez fait ce stage ? Au Monde des Livres. Au Monde des Livres, ce qui était une manière tout à fait particulière de rentrer dans le journalisme. Et du reste, je n'ai connu le journalisme au sens de l'info générale que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, ayant passé en réalité l'essentiel de ma vie professionnelle jusqu'à présent du côté du journalisme culturel, pour appeler ça comme ça. Donc ça a été au Monde, ça a été en télévision, dans différents cadres, en télévision publique, à France 3, à France 24, puis maintenant à France Culture, mais j'ai toujours été du côté de la culture. Et justement, quand vous arrivez au Monde des Livres, vous découvrez quand même ce milieu journalistique. Alors comment ça se passe, ce premier stage ? Quand j'arrive là-bas, je suis assez petite à tous égards, enfin pas en taille, mais j'ai 20 ans. J'ai 20 ans et je fais partie de ces familles nombreuses à l'époque où d'un côté on écoutait France Culture, l'autre côté le soir on lisait Le Monde, donc c'était comme rentrer dans un endroit totalement inconnu, un peu surplombant et en même temps un peu connu déjà avec des signatures repérées, etc. Je crois que j'ai eu l'impression de à peu près la même impression que si j'avais fait mon premier stage à 20 ans au Palais de l'Élysée. J'ai eu le sentiment, oui, j'avais le sentiment effectivement que les gens étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils l'étaient du reste, mais il y avait quelque chose d'un peu Troisième République, quoi. C'était assez solennel. Il y avait beaucoup d'hommes, très très peu de femmes. Les hommes étaient vraiment habillés, quoi. En costume. Et donc, en tout cas, j'avais le sentiment. Peut-être c'était pas du tout comme ça en réalité, mais j'avais le sentiment d'être dans un endroit extrêmement sérieux et un peu intimidant. Et alors ce stage, il dure pas très très longtemps, justement, ça. Si, après. En fait, il dure parce qu'il se transforme, qu'à ce moment-là, le monde se lançait. C'était l'époque de la grande aventure française dite du Minitel. Il avait été décidé de créer un site qui était à la fois un site d'information en lien avec le supplément littéraire du Monde et qui était relié à la librairie La Procure, qui se chargeait de faire des tables, etc., et de vendre les livres. Et en fait, je me suis occupée de ce site et j'étais l'intermédiaire entre le service et la librairie. En fait, peut-être j'aurais pu basculer dans la librairie à ce moment-là. Oui. Mais voilà, j'aurais pu. J'adorais aller à la librairie pour être dans cet endroit-là et de me dire qu'en fait je travaillais un peu dans une librairie. En tout cas, ça a dessiné définitivement ma vie avec les livres. Ça, c'est sûr. Donc, vous y restez combien de temps au Monde globalement ? J'y reste 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Voilà, interrompu par un épisode personnel qui a pris la forme de ma fille. Oui, ça arrive. Voilà. Justement, alors au Monde, vous restez dans ce monde des livres, vous allez chercher dans d'autres services. Est-ce que vous... Je fais un peu le tour, mais c'est ça que j'aime tout de suite. C'est ça que j'aime tout de suite. Alors j'ai passé quelques mois au service radio-télévision, le supplément. À l'époque, c'était l'époque du grand supplément radio-télé, où je me suis occupée de un peu d'émissions de sciences humaines. Et je faisais tout ça. Et puis en parallèle, je continuais mes études. En fait, j'allais en cours le soir. Et vous découvrez cette écriture journalistique. On vous confie certaines rédactions d'articles. Oui. Absolument. On commence à l'époque, on commençait par faire des brèves, et quand on faisait une brève de 2 lignes, on était rudement fiers d'avoir écrit, je sais pas quoi, la fête du livre de Limoges se tiendra à sa 25e édition du 18 au 21 avril. On était vraiment très très fiers. On découpait, etc. Je collais. Mais je l'ai toujours d'ailleurs, le truc où je collais les papiers. Oui. Je fais assez vite des articles. On me corrige. On prend bien soin de me montrer que on fait comme si, on fait pas comme ça. Il y avait des règles. Et il y a des règles que j'ai toujours retenues. Par exemple, j'ai retenu à tout jamais que c'était pas la même chose d'écrire que quelqu'un est mort et que quelqu'un est décédé. Alors qu'il y avait des journaux où les gens mouraient, des journaux où ils étaient décédés. Donc, en tout cas, je me forme professionnellement dans cette culture sérieuse et fière d'elle-même. Justement, ces articles, vous apprenez du coup sur le tas, ça me fait un peu penser Ah ouais, j'apprends complètement sur le tas, ouais. Ça fait penser à Sonia De Villers, c'est exactement la même chose, elle était en fac. Et à un moment, elle arrive au Figaro et il faut apprendre cette écriture journalistique qu'on n'apprend pas dans les universités. Non, on apprend même exactement l'inverse. Donc en fait, c'est un bizutage humiliant au dernier degré. C'est-à-dire tout ce qu'on croit savoir-faire vous est signifié comme étant le prototype de ce qu'il ne faudra jamais refaire, faute de quoi même la foire du livre de Limoges, c'est même plus pour vous, quoi. Pourquoi ça se termine, cette aventure au Monde ? Ça se termine parce que je suis encore très hésitante entre l'histoire, la recherche et le journalisme. Il me paraît assez évident que c'est une manière de rentrer dans le journalisme qui est plutôt une manière de peut-être de finir une carrière que de la commencer. C'est quand même un journalisme très particulier à tous égards. Donc je ne me projette absolument pas dans une vie qui s'installerait là. Et mettons qu'à l'époque ça ne m'a pas mordu. quelque chose comme ça. J'en ai été évidemment très contente, mais je me suis pas dit que c'était la seule vie possible, loin de là. Et en revanche, une des manières de faire le pont, donc je finis ma maîtrise, je passe mon DEA, etc., je continue. Toujours en histoire? Oui, toujours en histoire du temps présent. Et assez vite, je me dis, en fait, où je retourne vers l'université, ou alors peut-être je tente l'idée de d'allier l'écriture, une forme quand même de légèreté par rapport à l'université et l'histoire, et pourquoi ne pas écrire des livres. D'accord. Et donc en fait, là, je pars dans une, enfin, je continue. Je pense que c'est atroce de dire c'était une époque, tout ça, parce que je suis pas sûr que ça ait tant changé que ça. Mais en tout cas, je me dis pas maintenant que j'ai mis un pied là, il faut y rester, puis il faut y faire sa vie, puis je vais y passer les 50 ans qui viennent. Ça m'aurait paru mais absolument mortifère comme idée. Donc je me laisse guider par l'existence, en fait. Eh bien, Sandrine Trainer, on va se laisser guider par votre première pause musicale. Alors, vous avez choisi quoi ? Ah ben alors là, tel que la conversation est partie entre nous, il faut prendre Barbara Streisand. Et je crois que j'ai dû choisir The Way We Were. Exactement. The Way We Were de Barbara Streisand, c'est le choix de la première pause musicale de Sandrine Trainer. Alors, pourquoi ce choix, Sandrine Trainer ? Barbara Streisand, ça vous détend, cette chanson ? Pas du tout. Pas du tout, non, elle est extrêmement détendante, elle a une voix absolument formidable. Non, c'est très associé à des souvenirs très forts qui sont à la fois des souvenirs d'adolescente faisant la route aux États-Unis avec mes parents. Ma mère avait une passion pour Barbara Streisand et on avait une petite cassette que j'ai toujours, du reste, j'ai plus le lecteur, mais j'ai toujours la cassette. Et donc on écoutait ça en boucle. En roulant sur les routes comme ça et en rêvassant par la fenêtre. Et puis c'est aussi l'image du personnage qu'incarne Barbara Streisand dans le film avec Robert Redford. Comment il s'appelle ? Nous nous sommes tant aimés, qui se passe sur les campus américains, comme ça, et qui raconte l'histoire de ce couple qui se croise, qui se fait, se défait, etc. Sur fond de guerre du Vietnam, et Barbara Streisand incarne une militante très opposée à la guerre du Vietnam. Et elle est magnifique, quoi, avec ce visage tellement particulier. Et voilà. Donc c'est des souvenirs à la fois mélancoliques et très forts. Donc voilà, ça ne me détend pas, mais ça me ravit. Sandrine Trenner, on vous a laissé juste avant la pause musicale. Vous partiez du Monde, du journal Le Monde, pardon. qu'est-ce que vous faites après ? Du coup, vous avez donc un master, un DEA, ouais, c'est après, ça bah après, je travaille. Je travaille sur des livres successifs. Je continue à faire un peu de journalisme par-ci par-là, mais je suis surtout, je travaille sur des gros documents. Et tout ça m'amène, par le hasard, là aussi, des choses, des rencontres, etc. Tout ça m'amène au seuil de France 3. Qui avait à l'époque, qui a toujours du reste, mais elle n'était pas faite de la même façon, une émission qui s'appelle toujours Un Livre Un Jour, et qui, comme son nom l'indique, est une émission quotidienne, qui à l'époque était juste avant le journal de 19h, donc c'était un carrefour d'audience absolument fondamental, et il s'agissait dans l'esprit d'Olivier Barrault, qui la présentait déjà à l'époque, il s'agissait de faire en sorte que les téléspectateurs croisent l'idée d'un livre au moins une fois par jour, et puis ils en faisaient ce qu'ils voulaient, ils y allaient pas, mais enfin bon, c'était inscrire la littérature dans la vie quotidienne, et on se rencontre tout à fait par hasard. On s'était rencontrés par hasard, on avait fait des choses ensemble, et puis il a besoin d'un ou d'une rédactrice en chef, et il me propose de le rejoindre, et je me dis la télé jamais, mais on va y aller 3 mois, ensuite on verra. Voilà. Vous y êtes resté combien de temps ? Ça a passé 10 ans. Vous êtes resté donc au même poste où vous avez évolué ? Non, en fait, je suis rentrée comme je sais même plus comment ça s'appelait, et puis je suis devenue rédactrice en chef et coproductrice avec lui, et puis parallèlement, je me suis prise de goût pour l'image, j'ai commencé à écrire du documentaire en tournée, à écrire de la fiction en tournée, et puis je me suis occupée d'écrire toute une série documentaire pour France 3, donc pendant 2 ans, etc. En plus, je travaille avec Philippe Labraud sur cette collection documentaire de personnalités culturelles. Et puis, finalement, en 2006, il est décidé de créer une émission culturelle quotidienne qui va s'appeler Ce soir ou jamais, et je suis dedans. Donc, pendant encore 2 ans, je m'occupe des deux émissions. C'est-à-dire, je suis productrice d'un côté, je suis conseillère éditoriale de l'autre, du côté de Ce soir ou jamais. Puis j'intègre la rédaction en chef de Ce soir ou jamais, etc., etc. Puis la vie continue. Alors, je reviens un petit peu sur le documentaire. Vous découvrez cette écriture de l'image. Comment ça se passe ? Vous êtes passé de l'écrit tout court. Maintenant, vous êtes dans une télévision. On apprend assez vite quand. C'était une télévision très particulière quand même. Hein. Je n'ai jamais connu à France 3 que la télévision culturelle. Quand j'ai fait du documentaire, c'était sur des sujets culturels aussi. Mais oui, je découvre que l'image, ça s'écrit comme l'écriture. J'en apprends la grammaire. Je trouve ça très excitant. Je regarde ce que font les réalisateurs. J'essaye de comprendre ce qui se passe sur un tournage. Je comprends pas tout, mais j'essaye quand même. Et puis je pensais ce que je pense toujours, c'est-à-dire il faut jamais laisser passer une occasion De toucher à quelque chose de nouveau. Il faut jamais laisser passer une occasion quand on est extrêmement à l'aise dans son activité de se remettre en potentiellement en difficulté en faisant des choses qu'on n'a jamais faites. J'ai jamais su résister à la moindre tentation de faire quelque chose que je savais pas faire. Ouais, et en l'occurrence, qu'est-ce que ça vous a apporté donc du coup cette réalisation de documentaire? Ça m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, j'ai retrouvé ce qui m'avait manqué comme ça dans ce passage d'expérience au monde, et puis dans les premiers temps de mon travail à Un livre un jour. C'est-à-dire, de nouveau, je repère. Je n'ai jamais été une et indivisible. Et donc cette façon d'aimer jouer avec le journalisme, jouer au bon sens du terme, jouer de ses outils, mais en même temps cette fibre universitaire, elle ne me quitte pas. Et donc je retrouve à travers le documentaire la possibilité de travailler des sujets sur la longueur, de passer du temps sur la même chose, de m'engloutir dans un sujet, ce qui est au fond la seule chose que je trouve vraiment sérieuse à faire dans l'existence. Maintenant, je pense aussi qu'il faut passer son temps dans sa vie à ne pas faire que des choses sérieuses. Mais la seule chose à laquelle j'accorde une sorte de respect total, c'est on prend un sujet, on travaille. Vous êtes rédactrice en chef donc de l'émission de Frédéric Taddeï. Vous revenez au final dans un studio à travailler sur une seule émission. Comment ça se passe les débuts? Il faudrait regarder à quoi ça ressemblait au début. Je ne sais pas si Frédéric Taddeï lui-même a déjà regardé. Je pense qu'au début, on tâtonne. C'était pas du tout ce que c'est devenu après. Frédéric est du genre à savoir très très bien ce qu'il veut faire, mais bon, il y avait plein de pistes possibles. Donc au départ, c'est quand même parti comme une émission culturelle au sens assez strict du terme, avec des sujets culturels, des plateaux autour de sujets de la culture, etc. Et puis en fait, c'est devenu une émission de débat d'idées assez vite. Enfin, je sais pas, peut-être au bout de quelques mois. Mais c'était une télévision toute différente. Un livre un jour, c'était un module court qui était extrêmement produit, extrêmement réalisé, extrêmement monté. Là, tout d'un coup, on est en direct tous les soirs. C'était une vie de dingue. Puisqu'on travaillait la journée, puis on travaillait aussi le soir, et puis ça se terminait dans la nuit, cette affaire, puis ça recommençait. En 2009, vous partez pour France 24. Ouais. Pourquoi France 3 s'arrête ? Non, alors, en fait, ça fait 3 ans que je suis à Ce Soir ou Jamais. C'est à l'époque une quotidienne. Le travail se termine à l'époque sur le coup d'une heure et quart, une heure et demie du matin, etc. Au bout de 3 ans, c'est bien, c'est bon, quoi. À tous égards. Et puis, je pensais en tout cas, moi, qu'on avait fait une grosse partie de ce qu'il y avait à tenter. Après, on pouvait industrialiser le processus, mais les choses qui devaient être inventées là avaient été inventées. Donc je suis potentiellement mûre pour bouger, et je bouge à la fois parce que voilà, j'en ai un tout petit peu assez, et d'autre part Christine Ockrent, avec laquelle je n'avais jamais travaillé à la télévision, mais avec laquelle j'avais fait quelques années avant un très gros livre sur la condition des femmes dans le monde, et qui a été à la fois pour moi une rencontre déterminante à tout jamais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que ce livre a été essentiel dans ma vie, et elle venait de prendre la direction générale, je sais plus comment ça s'appelait, oui, elle était directrice générale de l'audiovisuel extérieur de la France, et elle me propose de venir prendre en charge à la fois la culture, les débats, les grands entretiens, etc., sur les chaînes françaises, anglaises, etc. C'est un challenge. Bon, alors ça, on ne sait vraiment pas le faire en cours, quoi. C'est un énorme challenge. Donc je pars. Donc je pars à un moment où par ailleurs, je suis très attachée à France 3, à ce que je fais là-bas, aux gens avec qui je le fais. Je me sentais vraiment chez moi, quoi. Et donc je suis partie à France 24, mais pas très longtemps, puisque très vite, j'ai été réappelé et me voilà à France Culture un an plus tard. Et oui, cela dit, France 24, c'est quand même une expérience formidable. Après, ça s'est passé mal. Mais pendant l'année où j'y suis, je me souviens, on a très vite fait de reconstruire l'histoire, que cette année-là, il y a une énergie formidable dans cette chaîne avec un projet porté par Christine Ockrent qui est tout à fait excitant et que c'est une année là aussi. Là, je suis dans une chaîne d'info, ça je l'avais jamais fait, au milieu d'une grande rédaction dans un immense open space avec des Français, des anglophones, anglais, américains, etc., etc. Plus toute la rédaction qui faisait la chaîne en arabe. Donc là aussi, des gens venus du Maghreb, des gens venus du Golfe, du Liban, d'Égypte, etc., etc. Enfin, je suis ravi d'avoir passé un certain temps là-bas. C'était une année courte mais enrichissante. Ouais, exactement. Exactement. Alors, comment vous êtes appelé à la radio et en particulier à France Culture un an après? En fait, je commence France Culture par... en fait, ça doit être à peu près concomitant. C'est-à-dire, je commence à aller à France Culture comme chroniqueuse dans une émission culturelle qui se crée à ce moment-là et que créent Caroline Brouet et Hervé Gardette. C'était les deux producteurs. Ensuite, Caroline Brouet est restée seule jusqu'au mois de juin. Hier. Enfin, là. Oui, non, mais... Il y a peu de temps. Oui, enfin, on n'est pas à la rentrée. Ouais, la semaine dernière. J'y chronique et j'y débat de littérature et de cinéma, essentiellement. Et puis, dans le même temps, Olivier Poivre d'Arvor venait d'être nommé directeur de France Culture. On ne se connaît à peu près pas, mais des gens lui ont parlé de moi. Et un jour, il m'invite à venir parler de la radio. Il sait que je l'écoute depuis 20 ans. Et je vais le voir. On passe un moment dans son bureau et il me propose de rester. Et c'est le moment de la seconde pause musicale. Sandrine Trenner, vous avez choisi quoi? Ouais, alors c'est pas mal fait. En fait, on est dans les bons tempos. J'ai choisi David Bowie. Et on va entendre Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. We'll be right back. Vous écoutez toujours La Mécanique des Ondes de Sandrine Trainer sur Fréquence Protestante et sur le www.lamecaniquedesondes.com. On écoutait David Bowie avec Ziggy Stardust. Alors Sandrine Trainer, pourquoi ce choix musical ? Alors je vous réponds, mais d'abord je fais un rectif, tout d'un coup ça me revient. Mais j'imagine que vos auditeurs cultivés l'auront noté. Ça, il s'appelait Nos plus belles années, le film. Avec Barbara Streisand et Robert Redford et pas Nous nous sommes tant aimés. Et en fait j'ai toujours confondu ces deux titres et je l'ai fait une fois de plus. Il doit y avoir un rapport, en fait. Pourquoi Robert Redford? Alors, pour deux raisons. Non, d'abord, pourquoi David Bowie? Oui, non, pardon. Oui, pourquoi, oui, je pourrais dire, oui. Pourquoi Robert Redford également? Alors, pourquoi David Bowie? Parce que, c'est pour ça que je vous disais, on est dans le bon tempo, c'est parce que ça nous amène à la radio. Mais en fait, il y a deux raisons. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Mais au-delà de ça, nous consacrons cet été un programme entier, une semaine, la semaine du 15 août, de 9h à 11h du matin, donc sur 8h de programme, une sorte de grande traversée radiophonique de David Bowie que fait un des jeunes producteurs formidables de France Culture qui s'appelle Nicolas Martin. Et s'il fait ça, au-delà du fait que Nicolas Martin, comme moi, nous aimons beaucoup David Bowie, c'est parce que je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Il y a des gens qui ont des consciences générationnelles ou pas. Bon. Moi, pendant très longtemps, je n'en ai pas eu. Et puis, en fait, ma génération ne m'intéressait pas beaucoup et je m'intéressais bien davantage aux gens plus âgés que moi. Mais il y a un moment dans l'existence où il est temps de se rendre compte qu'on appartient à une génération. Et j'ai mis un certain temps, en gros 50 ans, et puis David Bowie est mort. Et quand j'ai appris qu'il était mort, moi qui déteste, je n'aime pas les gens, voire les époques qui tendent à confondre ce qui est de l'ordre du privé et ce qui est de l'ordre du public. Et quand quelqu'un connu meurt, etc., de penser qu'il y a quelqu'un dessous, à soi, voilà, qui a disparu. Je trouve toujours ça assez ridicule. Je ne vais pas aux enterrements des gens que je n'ai pas connus, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me gêne. C'est vrai que maintenant, on a une proximité avec les célébrités. Oui, sans doute. Mais quand il est mort, celui-là, David Bowie, je me suis dit, mince alors, ça c'est ma génération. C'était vraiment la première fois que j'en prenais conscience de cette façon-là et que j'avais l'impression que quelque chose de mon univers à moi n'était plus là. Et le lendemain matin, pour la première fois de l'année, la seule fois de l'année à vrai dire, on a fait une matinale à France Culture où j'ai proposé à tous ceux qui le voulaient de la radio de venir dans cette matinale et de nous raconter ce que ça leur avait fait et qui c'était pour eux David Bowie, quels souvenirs étaient associés à, etc. Là aussi, j'évite de faire en sorte que la radio parle d'elle-même. France Culture parle de France Culture. Mais là, c'était évident que aller chercher je ne sais trop qui pour parler de la mort de David Bowie, alors que on était très bien nous-mêmes, on était les meilleurs désignés pour faire le travail. Donc voilà. Et puis c'est là qu'est venue cette grande traversée diffusée cet été. Et donc quand vous m'avez invité et que j'ai su qu'il fallait que je choisisse, je me suis dit en fait ça aura été important la disparition de David Bowie cette année. Alors, on revient en août 2010, vous commencez à France Culture comme chroniqueuse, donc vous l'avez dit dans cette émission. Ensuite, vous rencontrez Olivier Poivre d'Arvor. On s'est arrêté juste avant la pause musicale. Qu'est-ce que vous vous racontez lorsque vous le rencontrez ? Je crois qu'on parle, je suis sûre, on parle de la radio, on parle de France Culture, on parle de ce qu'il nous semble qu'il y a et peut-être de ce qu'il n'y a pas. De quoi on parle De quoi parlent deux personnes qui se rencontrent et dont elles se demandent si, même si c'était pas prédestiné, donc au fond, assez vite, probablement, la question c'est est-ce que l'un choisit l'autre ou pas, ou les gens se choisissent, etc. Donc je sais pas. Je sais qu'en tout cas, la forme que ça a pris, c'est la radio. On a parlé de France Culture. Maintenant, à travers France Culture, on a dû aussi parler de qui on était et ce qu'on avait envie de faire dans la vie. Je pense que à ce moment-là, La grille avait déjà repris. Hein, on s'est appelé au mois d'août, mais il a pris ses fonctions, je crois, début septembre, moi, le temps que j'ai dû arriver en octobre. Donc la grille était déjà lancée. On avait un peu de temps devant nous. Et il avait du temps devant lui avant de créer sa première grille. Et donc, oui, on a dû lister des choses. On a dû se demander, parler de la place de France Culture dans les. Pour l'un comme pour l'autre, quoi. Vous aviez déjà des idées à lui proposer, à lui soumettre ? Ah non, moi je venais pas dans un entretien d'embauche. Hein. Et vous aviez quand même une idée sur la grille ? Non, moi j'avais l'idée, qu'il avait une chance formidable et de lui d'essayer de lui dire en tant qu'auditrice passionnée pourquoi je pensais qu'il était au seul endroit où il fallait être, quoi, un truc comme ça. Alors c'est en novembre 2011 donc, que vous devenez directrice adjointe de France Culture en charge de l'éditorial. Alors globalement, l'éditorial à France Culture, c'est quoi ? L'éditorial, c'est ce qui n'est pas... Enfin, en l'occurrence, il y a à France Culture, comme dans d'autres radios, mais pas toutes, une rédaction avec un directeur de la rédaction qui aujourd'hui s'appelle Frédéric Barrère, qui à l'époque s'appelait Marc Crépin, et il y a des émissions de programmes. Et donc, il y a les programmes qui comprennent les magazines et chez nous, la fiction, le documentaire. Donc moi, j'étais en charge des programmes. Et Marc Crépin était en charge de la rédaction. Voilà. Donc ça faisait... Il y avait eu une petite période comme ça, intermédiaire avec un type formidable qui s'appelle Jean Lebrun. Et on avait été ensemble co-conseillers de programme. Donc à l'époque, on s'était réparti les émissions. Là, je récupère, si j'ose dire, la responsabilité, in fine, des programmes avec des gens qui sont là, avec une responsable de la fiction, une du documentaire, etc. etc. On n'est pas seul. Mais c'est quand même une petite équipe. Et moi, ce que j'aime dans la radio, c'est que la radio, et vous le savez, c'est un artisanat, c'est pas une science exacte du tout, c'est une science extrêmement humaine et donc, moi très, très, très vite je me suis sentie au cœur d'un espace de fraternité soudé par un projet dont on pense évidemment que c'est le plus important du monde, faire rayonner la compréhension du monde à travers les savoirs, la connaissance, la culture. On est évidemment convaincu à France Culture que tout le reste a moins d'importance. Alors pendant 4 ans, donc vous restez directrice adjointe de France Culture. Ça fait un an en fait que vous êtes directrice. Vous allez bientôt souffler votre première bougie. Cette première année, comment elle s'est passée ? Vous passez quand même au rang au-dessus. Alors maintenant, vous chapeautez effectivement toutes les directions. Oui. Alors comment ça s'est passé ? D'abord, ça se passe dans la continuité. Bon, il y a la continuité totale. Au fond, ce qui est le plus difficile, c'est de comprendre que ça a vraiment changé, que quelque chose a changé, que ça doit se marquer en soi et évidemment pour les autres. Alors dans la réalité, il y avait des moments où Olivier, il n'était pas là. Il prenait des vacances, il faisait d'autres choses. Et il y avait eu des moments où j'avais été seul à la radio et simplement on se parlait, lui étant ailleurs. Donc là, tout d'un coup, en fait, ce que je fais très exactement, c'est que je traverse le couloir qui fait au moins 1m80 de large. Je passe de mon bureau au bureau qui avait été le sien. Et il faut quand même comprendre que tout a changé. D'autant que la différence entre les médias, probablement les entreprises classiques, c'est que quand vous arrivez à la tête d'un média, d'abord, on vous interviewe immédiatement et on vous dit « Bon, et alors, quel est votre projet ?» Et c'est très important de définir son projet, sans doute pour les autres, pour les auditeurs, etc., mais aussi pour la maison que vous allez être amené à diriger et qui, elle, va décortiquer forcément chaque mot que vous employez et surtout chaque mot que vous n'employez pas. Mmh. Et alors que généralement, je pense qu'on arrive à la tête d'une entreprise, on doit vous laisser quelques mois le temps de savoir ce que... Voilà, donc très très vite, en fait, il faut transformer quelque chose, incarner non seulement à l'intérieur mais à l'extérieur cette antenne, et je le fais en fait en faisant ce que sans doute à ce moment-là je sais le mieux faire, c'est-à-dire l'antenne, et je lance immédiatement quelques chantiers de grandes journées spéciales qui avaient pour visée de marquer de manière claire quel était le projet que je voulais pour l'antenne de France Culture, dans la continuité, mais pas que, et d'autre part, de bien marquer que le cœur de mon projet, il serait éditorial. D'accord. Sandrine Trainer, il va nous rester quelques minutes. Une dernière question avant d'avoir la question de Laurence Bloch et le questionnaire rapide, le dernier de la saison. Comment une radio comme France Culture s'inscrit dans son temps ? France Culture, on prend le temps, ce sont des émissions quand même plutôt longues par rapport aux autres radios généralistes. C'est une radio comme toutes les autres qui doit s'inscrire dans les réseaux sociaux, qui doit s'inscrire dans son temps. C'est un vrai défi aussi pour vous, dans la continuité d'Olivier Poivre d'Arvor ? Mais absolument, et France Culture est sans doute une des radios qui le fait le mieux. Il y a 15 jours, on a fêté le millionième fan sur Facebook, il y a 300 000, 350 000 followers sur Twitter, tout simplement parce que ce que permet le numérique, c'est de constituer des fonds, et que France Culture, c'est une radio de fonds. Et donc, en fait, le numérique lui va particulièrement bien. Les réseaux sociaux permettent, là aussi, moyennant une nouvelle manière d'éditorialiser les contenus, de faire rayonner la radio. Donc oui, c'est absolument un enjeu. La grille de septembre, c'est une grille qui est encore remaniée, qui est clarifiée avec beaucoup de nouvelles voix, beaucoup de jeunes femmes, quelques hommes également. Mais il s'agit toujours de faire le même travail, mais il faut le faire de telle sorte d'être reçu aujourd'hui comme ce que l'on est, c'est-à-dire une radio en fait extrêmement moderne. Laurence Bloch, la directrice de France Inter, vous pose une question. Alors, ma chère Sandrine, moi la question que je voudrais te poser, c'est parce que c'est une question que je me suis posée très très longtemps en étant à France Culture, c'est comment faire pour que France Culture reste dans son temps et en même temps soit elle-même, c'est-à-dire une grande chaîne culturelle. Voilà, ça c'est une question, l'équilibre, c'est quelque chose que je me suis toujours très profondément posé, en particulier pour le 7-9, c'est comment faire pour rester soi, c'est-à-dire France Culture, et en même temps rester dans le monde. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir ta réponse. Ça rejoint un petit peu ma dernière question. Mais en fait, là, c'est peut-être plus sur l'actualité. Merci, ma chère Laurence. Je serais ravie que tu sois en studio en ce moment et que nous en parlions ensemble. C'est effectivement dans la question que pose Laurence Bloch et évidemment la question centrale. Moi, j'ai le sentiment que, alors, tout est effectivement question d'équilibre hein, chez nous, dans les formats entre la culture entendue comme la création et les idées, entre l'info et le non-info. Je veux dire, quand il se passe un événement, qu'est-ce qu'on modifie, mais qu'est-ce qu'on ne modifie pas? Moi, j'aurais tendance à répondre que là encore, il n'y a pas de recette. C'est un artisanat, c'est-à-dire qu'il faut avoir en permanence en tête ce que Laurence avait en tête et que j'ai en tête moi, c'est-à-dire la nécessité de cet équilibre. Et ensuite, on fait la démonstration au jour le jour de la capacité à le tenir. France Culture, je pense, se saisit du même monde. Personne ne. J'avais fait une interview avec une formidable historienne qui a été ma professeure, que j'aime tendrement, qui s'appelle Michel Perrault, historienne des femmes. Et on a fait un grand entretien sur sa vie et sa carrière à Lyon il y a quelques mois. Et à un moment, je lui ai parlé de l'actualité, je lui ai demandé comment ça l'intéressait. Elle m'a dit, mais ma chère Sandrine, je suis dans le monde, on ne peut pas être ailleurs que dans le monde. Bon, ben moi, c'est pareil avec la radio que j'incarne, que je dirige. La question particulière, c'est celle de notre regard sur le monde, de la manière dont nous faisons le pont, justement, entre le monde, l'ouverture au monde et nos auditeurs. Donc, c'est une manière de prendre du recul, c'est une manière de faire un pas de côté, mais un pas de côté face à un centre qui reste ce grand monde tellement turbulent et tellement agité et tellement complexe et tellement étrange face auquel on n'est pas grand-chose. Et c'est pas mal d'avoir quelques voix qui nous aident à nous situer dans ce grand espace auquel on ne comprend pas grand-chose. Sandrine Trainer, ça va être le moment de faire 3 questions du questionnaire rapide. Une femme de radio qui pourrait être votre modèle ? Une femme de radio qui pourrait être mon modèle, Laura Adler ? Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Désolée, France Culture. Quelle radio vous réveille le matin ? Désolée, France Culture. Quelle radio vous endort le soir ? Je suis tellement désolée, France Culture. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Chez moi. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Nulle part. Je l'écoute sur mon scooter en permanence. Et allez, pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio ? M'appeler. D'accord, très bien, c'est noté. Merci beaucoup Sandrine Trainer, on peut réécouter cette émission sur le www.lamecaniquedesondes.com et le www.fréquenceprotestante.com. Bel été à toutes et à tous. Bel été.